bonsoir. Heureuse de vous retrouver enfin après ces longs mois avec de nouvelles émissions d'Autant en emporte l'histoire. Aujourd'hui, Rose Vallant, la résistante du jeu de paume. Elle était discrète, une allure, dirait-on, de vieille fille ou de bas bleu, avec son chignon et sa longue jupe. Mais le 1er novembre 1940, lorsqu'ils prennent bruyamment possession du jeu de paume, les nazis auraient dû se méfier. Derrière ses lunettes rondes, la conservatrice du musée, Rose Vallant, cachait un sens de la justice et un courage exceptionnel. Du courage, il lui en a fallu. Alors que les nazis entreposent au jeu de paume les œuvres d'art volées à des juifs, Rose Vallant ne peut empêcher les marchandages de Göring, ni le transport des œuvres vers l'Allemagne. Mais jusqu'en 1944, à la barbe des nazis, au risque de sa vie, elle va chaque jour dresser la liste des tableaux et des sculptures qui entrent et sortent du musée. À une époque où personne ne doute de la victoire de l'Allemagne, Rose Vallant, elle, travaille pour l'avenir. C'est grâce à elle qu'après-guerre, des dizaines de milliers d'œuvres seront sauvées et restituées à leurs propriétaires, ceux du moins qui ont échappé au camp de la mort. Mais aujourd'hui, plus de 70 ans après la spoliation des familles juives, on a du mal à y croire, de nombreuses œuvres non restituées attendent encore dans des musées français. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Emmanuel Polak, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes historienne de l'art, spécialiste du marché de l'art sous l'occupation, et c'est vous qui avez fait connaître Rose Vallant au grand public par une exposition d'abord qui lui était consacrée à Lyon en 2009 et par la publication en 2019 de ses carnets, les carnets de Rose Vallant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette femme a été reconnue à la Libération par les Français, par les Américains comme une véritable résistante. Elle a été souvent décorée. Et puis, assez vite, on l'a oublié. Est-ce que c'est vous qui l'avez ramené, d'une certaine manière, à la lumière ? Tout d'abord, c'est très très gentil, je vous remercie de ce compliment, mais je voudrais rendre à César ce qui lui appartient. Et c'est plutôt l'association pour la mémoire de Rose Vallant, une association basée à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, son village, le village natal de Rose Vallant, qui a beaucoup œuvré à redonner la place de cette femme dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des musées, dans l'histoire tout simplement. Et moi, je suis arrivée un petit peu après, j'y ai travaillé à partir de 2008, où je commençais déjà à m'intéresser au marché de l'art à Paris sous l'occupation, et en allant dans différents colloques, je me disais que ce que j'entendais sur Rose Vallant ne me convenait pas. Il fallait que j'aille à la source, que j'aille un petit peu plus loin. Et alors j'ai pris la tâche de l'association Mémoire de Rose Vallant qui m'a invitée à passer un week-end à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, dans le Dauphiné, dans la jolie région du Dauphiné. Je suis très bien accueillie. Et là, effectivement, j'ai pu trouver des archives, rencontrer la petite nièce de Rose Vallant. Et en reprenant le TGV de Grenoble jusqu'à Paris, je me suis dit, en passant à Lyon, le CHRD, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, ça serait certainement un lieu où on pourrait rendre hommage à cette femme. J'ai écrit à la directrice et nous avons monté en 2009 une exposition consacrée à Rose Vallant. Rose Vallant, cette dame sur le front de l'art. Vous l'aimez, cette femme? Oui, écoutez, elle... Comment ne pas l'aimer? Oui, je suis assez admirative. Je mets une distance nécessaire entre pour ne pas tomber dans la géographie, ce qui serait vraiment un écueil. Mais pour autant, travaillant presque quotidiennement sur ses archives au ministère des Affaires étrangères, elle a laissé quelques 1070 cartons. Nous aimons rappeler quel a été son rôle et son action pendant la guerre et également lors de l'immédiate après-guerre. Alors, l'histoire que je vais raconter dans un instant commence le 1er novembre 1940, quand les nazis donc débarquent avec leurs œuvres volées au jeu de paume. Les Allemands ne sont entrés à Paris que quelques mois plus tôt, le 14 juin. La spoliation des biens juifs a donc commencé très vite. Très très vite. J'ai pu retrouver des documents consignés à la préfecture de police qui montraient qu'une semaine après l'arrivée des Allemands à Paris, soit autour du 21 juin, eh bien, il y avait déjà des perquisitions et des confiscations dans les plus grandes galeries d'art autour de la place Vendôme, chez les plus grands collectionneurs. Et lors de l'été 1940, on sait que les plus grandes familles, les plus grands collectionneurs auront été dépossédés de leur patrimoine artistique. Mais ces familles, elles sont toujours présentes ou elles ont déjà fui la France ? Certaines d'entre elles ont fui, bien évidemment. très vite, on va le voir, les lois infâmes de Vichy vont participer à ce que on appelle l'arianisation, la remise entre mains d'Ariens du patrimoine qui appartenait principalement aux familles juives, et très très vite, ce processus va se mettre en place. Tout d'abord, c'est l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, qui va accueillir ce patrimoine confisqué. Et puis, très vite, la place va manquer. Alors, on va se tourner vers le séquestre du Louvre, où 3 à 6 salles seront consacrées à cette enclave nazie au sein du musée du Louvre. Et puis, vous l'avez rappelé, à partir du 1er novembre 1940, sous les yeux écarquillés de Rosevalent, eh bien, plus de 450 caisses seront déballées au sein du musée du Jeu de Paume, où très vite, on va dresser des expositions d'un genre tout à fait particulier, puisqu'on va le voir, Hermann Göring, le bras droit d'Hitler, le Reichsmarschall, viendra y faire son marché impunément. Emmanuel Polak, on poursuit cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, Rosevalent, la résistante du Jeu de Paume, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Le jour des morts porte bien son nom. Le musée que j'ai connu a disparu. Il est devenu un entrepôt sordide. Ça a commencé très tôt, vers 9h du matin. Une dizaine de camions sont arrivés devant le musée. Un capitaine hurlait « Schnell, Schnell !» Ils ont fait des allers-retours toute la journée. Plus de 400 caisses. Je n'ai jamais vu autant de chefs-d'œuvre dans un même endroit. Des Vermeer, des Bruegel, des Rembrandt. Autant de merveilles traitées comme de vulgaires paquets. Les soldats éventraient des caisses aux pieds de biche. On raconte qu'ils veulent piller toutes les galeries d'art appartenant aux Juifs. C'est monstrueux. Comment arrêter ça? Il faut que j'en parle à Monsieur Jaujard. Il sait peut-être ce que ces barbares ont derrière la tête. Paris, 1er novembre 1940. Les troupes allemandes réquisitionnent le musée du Jeu de Paume pour servir d'entrepôt au pillage. La spoliation est supervisée par l'ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, un organisme dirigé à Berlin par Alfred Rosenberg, l'idéologue du parti nazi. En juillet, Hitler a autorisé l'ERR à confisquer tous les biens culturels appartenant aux Juifs dans les territoires occupés par l'Allemagne. Le soir même, Rosevalent se précipite au Louvre. Discrète mais déterminée, cette fille de maréchal Ferrand est une des rares femmes de l'époque à être devenue conservateur de musée. Elle doit parler d'urgence à son supérieur, Jacques Jaujard, le directeur des musées nationaux. Ce fervent serviteur de l'État est aussi un patriote qui a le sens de l'action. En 1939, à la déclaration de guerre, c'est lui qui avait fait évacuer en un temps record toutes les collections du Louvre hors de Paris. Bonjour, Madame Beauchaud. Rose, que se passe-t-il? Vous êtes tout essoufflée? Ce n'est rien, j'ai fait un détour à vélo pour ne pas prendre la rue de Rivoli. Tous ces drapeaux avec des croix gammées me retournent le cœur. Du café? Oui, merci. Monsieur Jaujard est là? Je vais le prévenir. Monsieur Jaujard, nous avons la visite de Mademoiselle Vallant. Mademoiselle Vallant, je m'occupe de votre café. Merci. Madame Beauchaud, il faut faire quelque chose. Depuis ce matin, sous mes yeux, les Allemands ont abîmé plus d'une dizaine de tableaux en les déchargeant. J'ai fait une liste des plus endommagés. Tenez. Merci. Il y a une danseuse de Degas. Le coin droit a été raflé. Une nature morte de Matisse, dont le cadre a été abîmé. Mais surtout, il y a 2 petits paysages de Watteau. Ils ont été déchirés en tombant par terre. C'est impossible à récupérer, vous vous rendez compte? Calmez-vous, Rose. Quand je pense à toutes ces familles qui ont été volées, la famille Rothschild, la famille David Veil, j'ai noté tous les noms. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accroché les tableaux à la va-vite sur les murs. Dans la salle du fond, ils ont mis toutes les œuvres contemporaines. Pour autant que ces vandales sachent faire la différence. Bonjour, mademoiselle Valant. Bonjour. Rose dit que les Allemands ont abîmé des tableaux en les transportant au jeu de paume. Malheureusement, je ne suis pas surpris. En septembre, quand j'ai fait évacuer le Louvre, j'ai dû veiller personnellement au déchargement de chaque caisse. Sinon, c'était certain, la Joconde aurait été écrasée par un manutentionnaire. Et je vous parle là du personnel du musée, alors des soldats allemands. Je n'ose même pas imaginer. Dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à faire la liste des œuvres qui arrivaient. Mais vers 11h du matin, ils m'ont donné l'ordre d'arrêter. Oui, j'avais demandé le droit de faire un contre-inventaire. Mais Rosenberg vient de changer d'avis. La seule chose que j'ai obtenue est que vous restiez en place dans le musée avec les deux gardiens. Mais que vont-ils faire des tableaux ? Les envoyer en Allemagne, je suppose. En Allemagne ? Mais alors, on ne les reverra jamais ? J'ai bien peur que ce soit leur plan. Un vol organisé à grande échelle. J'ai réussi jusqu'à présent à freiner leur intérêt pour les collections nationales grâce à l'aide de von Metternich, un homme intelligent et francophile. Il a dit à sa hiérarchie que le pillage des œuvres d'art allait à l'encontre de la Convention de La Haye sur les lois de la guerre. Malheureusement, il ne peut rien faire quant aux collections privées. Nous sommes en guerre. En quoi l'art peut-il être une priorité pour ces barbares ? Hitler est sûr de gagner la guerre. Il veut construire le plus grand musée d'Europe, à Linz. Une sorte de collection des trésors du monde entier, expurgée de ce qu'il appelle l'art dégénéré. Ils se sont pourtant bien servis en œuvres dégénérées. J'ai vu des Picasso, des Soutine, des Miro. Les nazis connaissent très bien la valeur de ces œuvres sur le marché. Ils veulent sans doute en profiter pour faire des affaires. Et ce n'est pas ces lâches à Vichy qui les en empêcheront. Mais on ne peut quand même pas rester là à les regarder. C'est précisément ce que Rose a de mieux à faire. Rester là à les regarder. Je ne comprends pas. Rose est le seul témoin sur place. Grâce à elle, nous avons des yeux et des oreilles. Pardonnez-moi, monsieur Jaujard, mais c'est très dangereux. Si les Allemands la soupçonnent d'espionnage, Rose sera fusillée sur le champ. Vous l'avez dit vous-même, madame Bouchot, on ne peut pas rester là sans rien faire. Enfin, Rose, vous êtes prête à risquer votre vie pour des tableaux ? Je ne sais pas, mais la situation est grave. J'ai entendu les soldats parler entre eux. Ils disent qu'Hermann Göring, en personne, doit arriver au musée d'un jour à l'autre. Eh bien, il n'a pas perdu de temps. Göring, ici ? Alors que la guerre fait rage avec l'Angleterre ? Cela ne me surprend pas, hélas. Göring se passionne bien plus pour l'art que pour la stratégie militaire. Il est tout le contraire d'Hitler, qui a les goûts médiocres d'un petit bourgeois autrichien. C'est un vrai amateur de peinture qui a commencé sa collection bien avant la guerre. Pour cette raison, il est bien plus dangereux que les gratte-papiers de Rosenberg. Comptez sur moi pour vous tenir informé de tout ce que je verrai, monsieur Jaujard. Merci infiniment, Rose. Et Jacqueline a raison. Soyez la plus discrète possible. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Les Allemands me prennent pour une vieille fille de province un peu sourde. Ils parlent de leurs affaires devant moi sans retenue. Une petite souris, c'est parfait. En temps de guerre, il n'y a rien de plus utile. Dès le lendemain, en effet, Göring se rend au jeu de paume. Enthousiasmé par le butin, il édite dans la foulée une ordonnance qui ne laisse aucun doute sur les intentions des nazis. Les œuvres anciennes sont destinées en priorité au musée d'Hitler. Les tableaux modernes, en attendant d'être vendus aux enchères, sont stockés dans une salle que Rose Valland surnomme la salle des martyrs. Mais Göring compte bien profiter du jeu de paume pour enrichir sa collection personnelle. Début 1941, il s'adjoint les services d'un historien d'art, Bruno Lohse. Ce jeune Allemand élégant, qui préfère les costumes de ville à l'uniforme nazi, travaille sous les ordres du colonel von Baer. Mais en très peu de temps, Bruno Lohse devient le véritable chef de l'ERR en France. Il passe son temps entre Paris, la Riviera et Monaco en organisant toutes sortes de transactions douteuses. 2 février 1941, Rose Valland est dans son bureau au jeu de paume, l'oreille collée contre la porte. Bientôt 3 heures qu'il est là. Il a dû faire remplir au moins une trentaine de caisses pour lui, le salopard. Mais les autres ? Celles qui sont dans le hall ? Où doivent-elles partir ? Ah, il vient encore de dire ce nom. Neu von Stern ? Von Stein ? Tant pis, je note quand même. Quoi ? Rembrandt, un génie de l'art germanique ? Je parie que personne ne va oser lui dire qu'il était flamand. De toute façon, Il n'écoute personne. Sauf le grand, en costume de ville, qui ne le quitte pas d'une semelle. Il a l'air redoutable, celui-là. Ce matin, il a emporté des miniatures de Van Eyck. Un ensemble extrêmement rare. Un petit voleur au service du grand voleur en chef. Sauf qu'il a l'air de bien s'y connaître. Si c'était un chef, il serait en uniforme. Ils arrivent. Félicitations, Dr. Lose. Tout ce que vous m'avez montré est d'excellente qualité. Dommage que je ne puisse pas repartir aujourd'hui avec le Bruegel. Oui, malheureusement, il va être mis aux enchères demain. Mais ne vous inquiétez pas. Je connais le commissaire Freezer. Il vous fera un prix d'ami. Et vous pourrez l'acheter pour moi? Je vous rembourserai à ma prochaine visite. Naturellement, maréchal. Ce sera un honneur. Parfait. Parfait. Et maintenant, si nous prenions une petite coupe pour fêter ça? Mais certainement. Madame Ballon. Mademoiselle, monsieur. Pardonnez-moi, mademoiselle. Je n'ai pas eu le temps de me présenter. Bruno Lose, historien détaché à l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'ERR. Herr Göring, voici mademoiselle Vallant, la conservatrice du musée. Bonjour, monsieur. Je vois, je vois. La dame qui connaît la maison. Vous savez sans doute où se trouve le champagne. Avec le rationnement, nous n'avons que du mauvais café ici, monsieur. Je vais demander à ce qu'on nous en apporte de l'ambassade d'Allemagne. Laissez, laissez. On pillera les réserves d'Otto Abetz une autre fois. Je dois partir. Je voudrais arriver cette nuit à ma résidence de Karinhall pour faire une surprise à ma chère Amy. Très bien. Soldat, faites charger les caisses du maréchal immédiatement. J'en ai compté 42. Exact, maréchal. 19 pour vous et 23 pour le Führer. Parfait. J'ai bien fait de prendre mon train personnel. 25 wagons, ce ne sera pas de trop. Vous avez fait du bon travail, Lose. Le Führer m'a chargé de vous féliciter. Il était fou de joie quand il a appris que vous aviez récupéré l'astronome de Vermeer. Une de nos plus belles prises, en effet. Il vient de la collection Rothschild. Au total, 5003 pièces exactement, toutes répertoriées par nos services. Il était temps que cette merveille cesse d'être la propriété d'un juif. Effectivement. Ce qui comblerait le Führer, ce serait de mettre la main sur le géographe et de réunir ainsi les deux tableaux que Vermeer a peints à la même époque. Un des diptyques les plus célèbres du monde, à la gloire du génie allemand. Le Führer rêve d'exposer les deux tableaux dans ce musée de Linz. Si vous avez la moindre information à ce sujet, appelez-moi immédiatement. Entendu, maréchal. Formidable. Reichsmarschall? Bis bald, Dr. Lose. Vermeer. Quel génie, n'est-ce pas? Et vous, mademoiselle, quel peintre a votre préférence? J'ai fait ma thèse sur les primitifs italiens, monsieur. Les Italiens, bien sûr. Je n'ai rien contre eux, mais je préfère les Flamands. Mais pardon, je vous redis des choses que vous savez déjà. Comment le saurais-je, monsieur? Eh bien, parce que je fais un petit tour des lieux ce matin avant votre arrivée. Et de votre bureau, j'entendais parfaitement les gardiens parler dans le hall. J'en ai déduit que ce musée est fort mal insonorisé et que nous devions vous déranger avec nos conversations. Quand bien même j'entendrai quelque chose, je ne connais pas l'allemand, monsieur. Pourtant, on m'a dit que vous aviez fait plusieurs séjours à Vienne au cours de vos études. Vous avez l'air si consciencieuse que je ne peux pas croire que vous n'ayez pas fait l'effort d'apprendre notre langue. Comment savez-vous que je suis allée à Vienne, monsieur? J'ai mes informateurs. Aussi désormais, pour éviter que les bruits de couloir ne distraient votre travail, je vais prendre votre bureau et vous vous installerez dans la petite pièce du fond. L'ancienne loge du concierge ? Monsieur, c'est une pièce qui nous sert de remise, elle n'est pas chauffée. En temps de guerre, il faut savoir faire quelques sacrifices. Et puis, une femme robuste comme vous ne saurait avoir froid. Bien, monsieur. Naturellement, je ne serai pas toujours là. Mes affaires m'appellent souvent sur la Côte d'Azur. Mais le reste du temps, nous allons cohabiter. Drôle de situation, n'est-ce pas ? Nous, Français, commençons à nous habituer, monsieur. Mademoiselle Vallon, nous aurons l'occasion de reprendre cette discussion fort intéressante. Je compte sur vous pour avoir déménagé vos affaires demain matin. Et dernière chose, je serais très ennuyé si j'apprenais que vous avez informé qui que ce soit de ce qui se passe ici. Il faudrait être stupide pour le faire, monsieur. Stupide ou intrépide ? C'est comme ça que vous dites en français, n'est-ce pas ? Intrépide. Parfois les deux se confondent, mais ce serait fort dommage pour vous. Je ne suis ni l'une ni l'autre, monsieur. Dans ce cas, nous pourrions fort bien nous entendre. À demain, Fräulein Vallon. Au cours de l'année 1942, l'activité du jeu de paume s'amplifie. L'ERR recrute une quarantaine d'historiens et de galeristes venus d'Allemagne pour expertiser les œuvres. Un atelier de photographie est mis en place pour les répertorier. Rien ne semble plus arrêter les nazis. La spoliation des Juifs s'accélère, tandis que de terribles mesures se préparent. Le 27 mars 1942, le premier convoi de Juifs déportés de France part du camp de Compiègne. Le 17 avril, un décret ordonne la saisie systématique des appartements abandonnés par des Juifs. 40 000 logements parisiens sont entièrement vidés. Le jeu de paume se transforme en véritable plaque tournante pour les dirigeants nazis qui viennent régulièrement se servir en tableaux, mais aussi en meubles et objets précieux. Dans cette ambiance mortifère, Rose Vallon continue chaque jour d'établir les listes des œuvres volées et leurs destinations. 5 juin 1942, elle rentre chez elle dans son petit appartement de la rue de Navarre. Rose, tu viens de coucher ? J'ai encore des notes à recopier. Mais dors, toi. Tu vas t'user les yeux à écrire toute la nuit. Et en plus, je te rappelle, on n'a pas de quoi payer l'électricité le mois prochain. Tu veux pas continuer demain ? Jeanne, je t'ai expliqué. Il faut que je recopie le soir même les notes de la journée. Comme ça, si je suis arrêtée demain, rien ne sera perdu. Et moi ? Qu'est-ce que je vais faire si tu es arrêtée ? Arrête de t'inquiéter. S'ils avaient dû m'arrêter, ils l'auraient fait depuis longtemps. Ils t'ont sous la main tous les jours. Avec tout ce que tu fais dans leur dos, ça va mal finir. Tu ne comprends pas. C'est justement parce que la Gestapo peut m'arrêter n'importe quand qu'elle me garde. Ils peuvent choisir leur moment, alors je suis pas un danger pour eux. Et chaque jour qui passe, je gagne du temps. Tu sais bien qu'il n'y a pas de logique avec eux. La semaine dernière, ils ont fusillé le cousin de mon patron comme ça, pour rien. Parce qu'ils croyaient qu'il aidait les résistants. Il faut partir, je te dis. Et où est-ce qu'on irait ? Chez ma grand-mère, à la campagne, à Seusac. C'est en zone libre. Elle a un jardin avec des poules, des lapins. Ça vaudra mieux que de continuer à crever de faim à Paris. Vas-y, toi. Moi, tu sais bien, je peux pas. Tu peux pas. Tu risques ta vie pour des tableaux dont tu connais même pas les propriétaires. Ce n'est pas pour leurs propriétaires, comme tu dis, que je me bats. Je fais ça pour que l'art continue d'appartenir à tous. Très bien. Alors, si l'art appartient à tous, pourquoi empêcher les Allemands de prendre ces tableaux ? Tu es idiote ou tu le fais exprès ? Parce que ce n'est qu'en restant dans un pays libre qu'ils appartiendront à tous. Ne bouge pas. Je vais voir. Rose, c'est moi, Jacques. Pardon de venir à cette heure-ci. Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Je suis avec une amie. Pardonnez-moi, mademoiselle, je ne serai pas long. Comme vous voudrez. Parlez toute la nuit, si vous voulez. Moi, je vais dormir. Venez. Allons dans la cuisine. Rose, écoutez-moi. Je dois quitter Paris demain matin. Von Metternich a été renvoyé. Plus personne ne me protège. Les Allemands peuvent m'arrêter d'un moment à l'autre. Je pars quelque temps en zone libre, le temps que ça se tasse. Bien, monsieur. Où pourrais-je vous faire parvenir mes notes ? Vous les transmettrez à Madame Bouchot, elle ne risque rien. Mais vous devez arrêter de venir au Louvre, c'est trop dangereux. Vous la rencontrerez le jeudi à cette adresse. Bien, monsieur. Êtes-vous sûr que personne ne se doute de rien au musée ? Lozeux m'a convoqué deux fois parce qu'il avait des soupçons. J'ai tout nié. Bien, c'est ce qu'il faut faire. Voici mes notes d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, je n'ai pas terminé. Mais prenez déjà ça avec vous. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? Ce n'est rien. Une feuille de carbone qui s'est glissée en dessous. Vous écrivez sur du carbone ? Pour garder une copie de mon côté. Laissez tomber, c'est trop dangereux. Si les Allemands perquisitionnent chez vous, ils tomberont dessus et vous ne pourrez plus nier. Mais si vous êtes arrêté et qu'ils embarquent les listes ? Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous m'avez donné est en lieu sûr au Louvre. Sauf que demain, le Louvre sera peut-être allemand. Il faut faire des listes en deux exemplaires, c'est plus sûr. Tu me donneras les copies de tes listes, je les mettrai en sécurité à l'atelier. Je croyais que tu dormais. J'aurais bien voulu, mais j'entends tout ce que vous dites. Et puis je me suis dit que Monsieur Joja voudrait bien du café. C'est pas de refus. J'allais lui en proposer, figure-toi. J'en ai eu du bon au marché noir. C'est pas tous les jours, alors autant pas le gâcher. Jeanne, tu es en train de dire que je fais du jus de chaussette ? Ah, ça c'est sûr. Déjà, avant la guerre, j'y touchais pas. Je dois reconnaître qu'au Louvre, ça n'était pas sa qualité première. Vous ne m'aviez pas recruté pour cela, je crois. Non, Rose, je vous ai recruté pour vos diplômes et surtout pour votre excellent caractère. 5 octobre 1942, dans le bureau de Bruno Lose. Il vient de partir. J'ai une bonne heure devant moi. Où est la corbeille à papier ? J'ai demandé au gardien de ne pas la vider hier soir. Ouf, c'est bon. Libre R. Concernant le matériel de l'atelier photographique du jeu de paume. C'est le brouillon d'une lettre à Rosenberg. Je verrai ça plus tard. Je prends. Et ça ? Une autre lettre. Une de ses maîtresses. Rien d'intéressant. À moins que... Cher Bruno, j'ai hâte de vous revoir. Je serai chez Maxime's demain soir. Merci infiniment pour le champagne et les chandeliers. Les chandeliers. La lettre est datée de lundi. Il a dû les prendre hier. Vérifiez si les chandeliers en argent de la collection Thalmann sont toujours là. Ensuite, un télégramme signé Von Baer. Faire parvenir 22 tapis persans au maréchal Göring. Les tapis persans, ça doit être ceux de la collection Weil. Tapis persans, 5 octobre, Göring. Qu'est-ce que vous faites ici, mademoiselle ? J'étais venue réparer la chaudière, monsieur. Je suis passée par votre bureau. Vous n'avez rien à faire ici. Certains membres de vos services sont pleins d'avoir froid, monsieur. La chaudière marchait très bien hier. Sauf si quelqu'un l'a volontairement déréglée. Je ne suis pas au courant, monsieur. Si vous ne voulez pas que je la répare, puis-je disposer ? Un instant. Mademoiselle Vallant, je vous crois assez courageuse pour risquer votre vie. Mais mettre en danger ce qu'on aime, n'est-ce pas de l'égoïsme ? Ma famille est en zone libre, monsieur. Je ne parle pas de votre famille, je parle d'une demoiselle, d'une certaine Jeanne Doinel. Comment connaissez-vous Jeanne ? Jeanne Doinel, 35 ans, modiste au 15 passage Saint-Denis et habitant chez vous rue de Navarre. J'espère que la chaudière ne tombera plus jamais en panne, si vous tenez à votre dame de cœur. Je vous en prie. Laissez Jeanne en dehors de tout ça. Sa sécurité ne tient qu'à vous. Qu'avoyez-vous ? Si je trouvais le moindre document sur vous, je la ferais arrêter sur le champ. Je comprends, monsieur. Dans ce cas, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne voyez aucun inconvénient à ce que je vous fouille. Aucun, monsieur. Très bien, tournez-vous. Bon. Vous pouvez vous retourner. Je ne veux pas le faire, pas aujourd'hui. Et puis je me dis qu'il vous serait sans doute désagréable d'être touché par un homme. Puis-je retourner à mon bureau, monsieur ? Encore une chose. Un vase chinois a disparu la semaine dernière. Il était dans une vitrine fermée à clé. Ce qui veut dire que le coupable ne peut être qu'un membre du personnel du musée. Je connais bien les gardiens. Je réponds de leur honnêteté comme de la mienne. Ah oui ? Il y a également un dessin de Rembrandt qui manque, portrait du père de l'artiste. Que voulez-vous que les gardiens en fassent, monsieur? S'ils essayaient de le vendre, vos services seraient aussitôt au courant. Sans doute. N'empêche, il est introuvable. Avez-vous une explication ou dois-je vous soupçonner en personne? Il y a beaucoup de passages dans ce lieu, monsieur. Seriez-vous en train de dire que l'un d'entre nous l'aurait volé? Avez-vous perdu la tête? Je dis simplement, monsieur, il y a beaucoup de gens qui viennent au jeu de paume. Et vous-même n'êtes peut-être pas au courant de tout ce qui s'y passe. Assez d'insolence. Les gardiens seront renvoyés. Renvoyés? Mais comment allons-nous faire sans eux? Eh bien, nous les remplacerons. Voilà tout. Estimez-vous heureuse qu'ils ne soient pas déportés. Et vous aussi. Vous nous accusez de vol sans preuve, alors que des objets volés arrivent ici tous les jours. Vous ne manquez pas de culot, mademoiselle. Mais vous vous trompez. Le Führer a été très clair. Ce que nous faisons n'est pas du vol, mais une simple garantie que nous prenons en vue des négociations à la fin de la guerre. Du reste, les propriétaires de ces œuvres ont fui en les laissant derrière eux. C'est bien la preuve qu'ils n'y tenaient pas tant que ça. Ils ont fui parce que vous les avez chassés de leur pays. Vous avez tort de plaindre les Juifs. Ils ont plus de ressources que vous ne pensez. Vous avez dû entendre parler de la collection Schloss. Sans conteste, la plus belle d'Europe. Plus de 300 chefs-d'œuvre de la peinture flamande. Eh bien, impossible de mettre la main dessus. Elle s'est volatilisée avec ses ignobles propriétaires. Mais nous la retrouverons. J'en ai fait une affaire personnelle. Puis-je retourner à mon travail à présent, monsieur? Si je vous surprends une nouvelle fois dans mon bureau, vous serez fusillé ici même. Est-ce clair? Très clair, monsieur. Le 16 juillet 1942, avec la complicité de la police française, 13 000 juifs sont arrêtés en région parisienne et parqués au vélodrome d'hiver avant d'être déportés. Au jeu de paume, ces terribles événements et l'invasion allemande de la zone libre en novembre 1942 suscitent un regain d'activité. Des centaines d'œuvres d'art de propriétaires arrêtés ou déportés s'entassent chaque jour au musée. Mais en février 1943, après sa défaite de Stalingrad, l'Allemagne pour la première fois doit reculer. Göring, qui commande la Luftwaffe, tombe en disgrâce auprès de Hitler. Son influence au jeu de paume décroît au profit de celle d'Alfred Rosenberg. En avril, suite à une dénonciation, la Gestapo française réussit enfin à mettre la main sur la collection Schloss, cachée au château du Chambon à côté de Tulle. Le ministre de l'Instruction publique, Abel Bonnard, la remet en personne à l'occupant. Le 4 novembre 1943, Alfred Rosenberg se rend au jeu de paume pour contempler cette exceptionnelle prise de guerre. Une visite orchestrée par Louis Darquier de Pellepoix, le commissaire aux questions juives. Ça se voit que l'ère Göring est terminée. Pas une seule caisse marquée d'un G. Un des gardiens m'a dit que des caisses lui avaient été réservées, mais il les a toutes refusées. Il doit avoir peur de mécontenter Hitler. Et l'ose qui se vante partout d'avoir mis la main sur la collection Schloss. Alors que c'est un Français qui a informé la Gestapo. Et ce Darquier de Pellepoix ce matin qui lui tournait autour en faisant des ronds de jambes. Quelle honte pour la France. Au total, 230 tableaux sont partis pour Linz. Je me souviendrai toujours de ce portrait de Rembrandt, le juif au bonnet de fourrure. Son regard m'a transpercé l'âme. Je transmettrai la liste à Jacqueline ce soir. Je lui ferai aussi passer une lettre pour Jeanne. Jeanne. Elle qui nous voyait toutes les deux en zone libre dans le jardin de sa grand-mère. Maintenant, les Boches sont partout, autant rester ici. Mais je suis soulagée qu'elles soient parties. Le 23 juillet 1943, sur la terrasse du Jeu de Paume, Rose Vallant assiste, impuissante, à un autodafé de tableaux d'art dits dégénérés, parmi lesquels un Picasso et un Max Ernst. Mais la victoire progressivement change de camp. À l'été 1944, à mesure que les Alliés se rapprochent, la panique s'empare du Jeu de Paume. Le personnel repart en Allemagne et le matériel photographique est détruit pour ne pas laisser de traces. Le 1er août 1944, Von Baer donne l'ordre de charger dans des camions toutes les œuvres restant au jeu de paume. 148 caisses de tableaux quittent les Tuileries dans la précipitation. Von Baer se réfugie à Berlin, suivi de Bruno Lose. Rose Vallant se dépêche d'aller voir Jacques Jaujard, qui a retrouvé son bureau du Louvre. Bonjour. Rose, quel plaisir de vous revoir enfin. Avez-vous écouté la BBC ce matin? Les Américains sont à Dinan. C'est merveilleux. Il faut se dépêcher, le train va partir. Quel train? Les Allemands ont chargé dans un train tous les tableaux qui restaient dans la salle des martyrs. Il y a des Gauguin, des Renoir, des Matisse, au moins une soixantaine de Picasso. Sacré butin. Von Baer et sa clique doivent vouloir assurer leurs vieux jours avant de les guérir. Justement, cette fois nous pouvons les en empêcher. Mais comment? Le train est sans doute déjà en route pour l'Allemagne à l'heure qu'il est. Non, il est encore en gare d'Aulnay-sous-Bois. J'ai pu noter les numéros des wagons. Il ne faut pas qu'il quitte la France. J'ai des contacts dans la résistance des chemins de fer. Mais je doute qu'ils acceptent de saboter les voies pour des tableaux. Monsieur Jaujard, je vous en prie, je suis prête à leur parler s'il le faut. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Monsieur Jaujard, pendant 4 ans, j'ai regardé des milliers de tableaux quitter le jeu de paume, impuissantes, sans pouvoir rien faire. Le temps que les Américains arrivent, les tableaux auront disparu et nous ne les retrouverons peut-être jamais. Je suis prête à aller moi-même saboter le train. Oui, je sais que vous en êtes capable. Donnez-moi le numéro de wagon. Je vais appeler un ami ce soir. Non, pas ce soir. Tout de suite. À vos ordres, mademoiselle Vallant. Convaincus par Jacques Jaujard, les résistants acceptent de saboter les voies ferrées et immobilisent le train. Le 27 août 1944, le train est libéré par la 2e DB du général Leclerc, qui est entré dans Paris 3 jours plus tôt, et les tableaux sont rapatriés au jeu de paume. Le 24 novembre 1944, Rose Vallant prend la tête de la commission de récupération artistique créée à la demande de Jacques Jaujard. Elle fournit ses précieuses listes aux Monument Men, les hommes nommés par le président américain Roosevelt pour retrouver les œuvres volées en Europe. Grâce à elle, ils parviennent à localiser en Allemagne une grande partie des œuvres cachées dans des mines de sel ou des châteaux. Un des plus importants dépôts est le château de Neuschwanstein en Bavière. Les Alliés y découvrent plus de 20 000 œuvres d'art, dont l'astronome de Vermeer, qui est restitué à son propriétaire, Édouard de Rothschild, en 1945. Après la guerre, Rose Vallant sillonne inlassablement l'Allemagne pour retrouver les œuvres qu'elle a vues passer au jeu de paume. Elle demande à se rendre en zone soviétique, dans l'ancienne résidence de Göring, le palais de Karinhal, qui a été dynamité en 1945. Les Russes lui refusent son laissez-passer, mais Rose, toujours aussi têtue, parvient à se rendre clandestinement à Karinhal en novembre 1947. Des ruines, des débris, partout. Je suis sûre que les Russes n'ont pas été voir dans le bunker au fond du jardin. Ah, un carquois en bronze rempli de flèches. Diane à la biche. C'est une statue de la collection Rothschild. Je la reconnais. La base est en bon état. Peut-être que si on retrouve la tête. Non. De toute façon, il y a trop de morceaux, on ne peut pas la reconstituer. Et ça? Encore une Diane? Un moulage cette fois. Voilà bien l'orgueil ridicule de Göring. Faute de pouvoir prendre les originaux du Louvre, il a fait faire des copies en plâtre. Et dire qu'ils n'auront jamais eu à rendre compte de leurs actes. Von Baer s'est suicidé en croquant du cyanure dans du champagne. Göring a fait de même la veille de son exécution. Heureusement que s'ouvre bientôt le procès de cette crapule de Lose. J'espère qu'ils lui feront avouer où il a caché tous les tableaux qu'il a volés pour son compte. Et pendant ce temps, des milliers de tableaux n'ont toujours pas été retrouvés. Quand est-ce que nos dirigeants comprendront? S'ils tenaient dans leurs mains, comme moi, cette Diane en 1000 morceaux. L'art est une priorité, au même titre que la paix et la liberté. Rose Vallant, la résistante du jeu de paume, de Marjorie Philibert, avec Aline Lebert dans le rôle de Rose Vallant, Océane Mozas, Werner Kolk, Vincent Nemeth, Johannes Hamm et Morgan Hainaut. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Mathieu Touraine, assistante à la réalisation Justine Dibling et Alexandra Garcia-Villa. Réalisation Sophie Houde-Picon. Vous êtes bien sur France Inter, Autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Rose Vallant avec mon invité Emmanuel Polak. She wants to run from me, so I will set her free. Shine in my eyes, you're blinding like you were real. Wasting my own time, I'm saying I am fine. Losing my own mind, I swear that I am fine. Par Yaël Naïm sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, à la réalisation Étienne Bertin, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Stéphane Beaufils. Emmanuel Polak, nous avons quitté Rose Vallant en 1947, elle tente de retrouver des œuvres dans les ruines de Karinhal, la résidence de Göring, malgré la défiance des soviétiques. C'est étonnant cette obstination, on est après la guerre, l'heure est plutôt à la reconstruction, on dit qu'il faut se marier, faire des enfants, tout le monde est prié d'oublier les horreurs de la guerre, même les juifs. Et elle continue à chercher, à se battre. Qu'est-ce qui la motive ? Alors, je pense que ce qui la motive, c'est l'amour de l'art, hein, c'est vrai. C'est une historienne de l'art. Il faut voir un petit peu son parcours, sa formation. C'est tout d'abord des années à l'école des Beaux-Arts de Lyon, doublée par l'école des Beaux-Arts supérieurs de Paris. Donc, elle a ce qu'on appellerait aujourd'hui une formation de plasticienne, qu'elle va doubler par encore une formation d'historienne de l'art. Historienne de l'art avec une thèse auprès de l'école du Louvre, pour lequel elle obtient une note médiocre de 11 sur 20, qui lui barre définitivement l'entrée dans les musées par la grande porte. Et c'est pour ça qu'elle devient attachée de conservation bénévole et qu'elle parvient à trouver, à partir de 1932, une place au musée de Jeu de Paume. Il faut dire qu'elle ne sera pas payée jusqu'en 1942. Hein. Ah oui. Elle travaille le soir à la ville de Paris et elle donne des cours pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ouais, d'autant plus admirable. Oui, tout à fait. Et puis, on voit bien, déjà, dans ses traits de caractère, c'est la ténacité. Elle obtient 11 sur 20 dans cette première thèse déposée à l'école du Louvre. Et donc, elle va refaire une thèse qu'elle soutiendra en 1942, où elle obtiendra les félicitations du jury. Voilà, ça c'est Rose Vallant. Elle ne lâche jamais rien. Alors, vous pensez bien que quand on lui propose d'être secrétaire de la commission de récupération artistique, elle qui a vu les œuvres, qui les a listées, qui connaît le nom des collectionneurs, qui sait quels sont les endroits en Allemagne où les œuvres ont été déposées, elle ne peut pas se satisfaire de ce poste subalterne et elle veut aller sur le terrain. Ce qui sera fait puisque le 4 mai 1945, l'armistice n'est pas encore signé, elle va en Allemagne et là, elle arrive en Allemagne et elle est tout à fait frappée parce que ce qu'elle dit, c'est que la notion d'ennemi qu'il avait savamment entretenue dans cette volonté de garder la mémoire de ces spoliations, de ce pillage, eh bien, finalement, en voyant l'Allemagne année zéro, eh bien, disparaît complètement. Et là, Rose Vallant va être assez exceptionnelle puisqu'elle va travailler à la récupération du patrimoine artistique français, mais elle travaillera également avec des collègues allemands à la dénazification du goût des différents musées allemands. Et je trouve que ça, c'est assez exceptionnel de ne pas être pro-domo. D'ailleurs, on le voit dans ses écrits. Oui, elle est anti-nazi, mais pas anti-allemande. Exactement, elle fait tout à fait la différence. Et elle a tout à fait compris. On entend Rose Vallant à la fin de la fiction qui espère que Bruno Lose, comme les autres nazis, va avoir son procès. Il va avoir un procès à Paris. Elle espère qu'il sera condamné. Qu'en sera-t-il pour lui ? Il arrive très vite à partir en Allemagne avant qu'il ne soit arrêté. Il est pourtant arrêté et il sera envoyé au tribunal militaire de Leblanc en France où il a une confrontation directe avec Rose Vallant. Et il s'en sort beaucoup mieux qu'elle. C'est-à-dire qu'il campe sur ses positions, il dit qu'il n'a jamais été nazi, c'est vrai qu'il ne portait pas l'uniforme. Il va dire qu'il a pu sauver des familles juives et en fait il sème le doute. Et il aura très très peu de temps de condamnation. Très vite, il va reprendre son métier d'historien de l'art, mais il va devenir galériste, marchand de tableaux. Et on le assez sait connu, maintenant. Je crois. Oui, oui assez connu. Et Munich. Puis, il a pu certainement faire des réserves. Il décède très tardivement, en 2007. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de tableaux dans un coffre-fort au Luxembourg. Que deviendra Rose Vallant après la guerre ? Rose Vallant va devenir conservateur des musées nationaux à l'âge de 52 ans, c'est assez tardif, mais c'est vraiment ce qu'elle espérait, elle a sa revanche, elle voulait vraiment rentrer dans ce milieu, parce qu'elle était de conditions plutôt modestes, et c'est son fait d'armes que d'avoir travaillé à la mémoire et à la récupération de ses œuvres d'art appartenant principalement aux familles juives. En 1964, un film américain sort s'inspirant de sa vie et de son action pendant la guerre. Il s'appelle Le Train, avec Suzanne Flon dans le rôle de Rose Vallant. À la sortie du film, Rose Vallant est interviewée. L'occasion pour elle de donner quelques précisions. C'est le dernier épisode de la lutte qui a été entreprise par les musées de France pour s'efforcer de sauver les collections françaises. Je dis collections françaises, non pas seulement collections nationales. Les collections qui venaient au Jeu de Paume avaient été rassemblées par les Allemands après le pillage de certaines grandes collections particulières. Or, il se trouvait que dans ces collections particulières, vous aviez quelques-uns des plus grands tableaux modernes qui eussent été peints et rassemblés à Paris. Et ce qui a été providentiel, et je dois dire presque miraculeux, n'est-ce pas, dans cette affaire, c'est que celui qui était désigné pour confisquer ce train s'appelait Rosenberg, et il avait dans le train toute une partie de sa collection qui lui avait été confisquée par les Allemands. Or, il n'en savait rien. C'est intéressant, c'est un des rares enregistrements de la voix de Rose Vallant. Emmanuel Polak aussi, c'est qu'elle précise bien là qu'au Jeu de Paume étaient entreposées des œuvres volées dans des collections privées. Et autre chose, la présence quand même lors de l'interception du train en août 44, le train qui donc, comme on l'a entendu dans la fiction, c'était le dernier convoi qui transportait des œuvres d'art vers l'Allemagne. Il y avait dans la deuxième DB qui a arrêté ce train, il y avait le fils de Paul Rosenberg, l'un des collectionneurs juifs. spoliés. Oui, tout à fait, c'est très intéressant. Je pense que Rose Vallant est une des premières à bien montrer l'extrême protection des collections nationales grâce au plan génial de Jacques Jaujard. Oui, donc ces œuvres avaient été protégées dès 1939. Absolument, les œuvres des collections nationales ont été véritablement mises à l'abri, tout d'abord à Chambord, puis dans différents châteaux. En regard, les collections privées, mais qui appartiennent aux collections du patrimoine national, eh bien, les collections privées appartenant principalement aux familles juives, je le souligne, ont énormément souffert. On peut donner des chiffres si on a le temps. J'allais vous le demander. 100 000 œuvres d'art, objets culturels auraient été transférés de France vers l'Allemagne. 60 000 seraient revenus. 45 000 auraient été restitués grâce à l'action de Rose Vallant, mais également grâce à l'action des alliés et notamment de ces fameux Monuments Men. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'œuvres encore récemment qui n'ont pas été restituées à leurs propriétaires. Est-ce qu'on peut dire que les musées français ont mis un certain temps, une certaine peut-être paresse à faire le travail justement de recherche et de restitution aussi des œuvres à leurs propriétaires depuis la fin de la guerre? Entre 1945 et 1949, le travail a été fait véritablement, on le sait. Et puis ensuite, moi j'aime parler des 30 silencieuses, enfin j'aime parler, je déplore peut-être les 30 silencieuses, mais finalement cette historiographie, elle rejoint l'historiographie de la Shoah. Puisque rappelons-nous qu'on n'a pas parlé de la Shoah jusqu'au milieu des années 70. Et puis, il y aura 3 livres. Le pillage de l'Europe de Lynn Nicolas, une thèse française qui a été publiée par Laurence Bertrand d'Orléac, L'art de la défaite, qui montrait la collaboration des élites françaises. Également, Le musée disparu d'Hector Feliciano, qui jette un pavé dans la mare et qui, effectivement, en 1997, dit que les musées français n'ont peut-être pas tout fait pour restituer les œuvres d'art, quelques 2000 objets d'art. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un grand colloque organisé par Madame Françoise Cachin, directrice des musées de France, qui essaye de poser le problème. Et il faudra attendre, je pense, 2014, où la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, demande à ce que les musées fassent le travail de façon proactive et que ça ne soit plus les familles qui soit demanderesse, mais que les musées prennent l'initiative de faire ces recherches. Et où en est-on aujourd'hui, en 2020, Emmanuel Pollack, il y a encore des œuvres qui ne sont pas restituées? Alors, il y a des œuvres qui attendent leur propriétaire, leur légitime ayant droit, mais je voudrais juste dire qu'une très jolie mission m'a été confiée par le musée du Louvre, le 6 janvier 2020, vous voyez que c'est très très neuf, et qu'à ce titre, je place beaucoup d'espoir et je suis vraiment très très heureuse de cette mission pour laquelle je dois investiguer les acquisitions des musées entre 1933 et 1945. On espère que vous viendrez nous en parler dans cette émission. Merci beaucoup Emmanuel Pollack. Vous êtes l'auteur du livre passionnant Le marché de l'art sous l'occupation chez Talendier en 2019, qui fera bientôt l'objet d'un documentaire sur Arte. Vous avez également publié avec Philippe Dagen Les carnets de Rose Vallant et avec Catel, une bande dessinée Rose Vallant, Capitaine Beaux-Arts, édité chez Dupuis. À lire également Les souvenirs de Rose Vallant, Le front de l'art, édité à la Réunion des musées nationaux, et à voir une exposition Rose Vallant en quête de l'art spolié, initié au printemps par le musée dauphinois de Grenoble, qui sera visible à partir du 18 septembre à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard, la commune de naissance de Rose Vallant, et ensuite en Allemagne, au musée de Schorfheide, près de Berlin. Autant n'importe l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission ou la podcaster sur notre site franceinter.fr. Merci d'avance pour vos commentaires sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons en 1918 lorsqu'un poilu est retrouvé errant sur un quai de gare à Lyon, amnésique. On l'appellera bientôt le soldat inconnu vivant, incarnant à lui seul tous les traumatismes de la Grande Guerre.